Le journal coréen Rodong Sinmun en date du 27 donne un commentaire de Kim Myung-chul titré « Il est logique que la politique refusant l'opinion publique soit condamnée à mort ». En voici le résumé. La mer à la bougie allumée par en Corée du Sud est l'éruption de la rancune de longue date de l'opinion publique contre la politique traîtresse sans précédent de la bande de Bakouné. En fait, tous les anciens gouvernants sud-coréens à la Maison Bleue ont pratiqué la politique antipopulaire, mais nul ne connaît le pire traître, ni la sorcière peu commune comme Bakouné, qui s'est adonné à la dictature et à la pression, à l'injustice et aux corruptions à l'intérieur et à l'extérieur pour provoquer une crise générale en Corée du Sud, qui a dégénéré les rapports Nord-Sud en relations hostiles et de confrontation pour créer une situation catastrophique irrémédiable, et qui a vécu seulement pour la servilité aux États-Unis et au Japon. La lutte à la bougie de plus en plus véhémente en Corée du Sud donne une signification et un impact extraordinaire, ce qui montre que l'opinion publique est la justice et la vérité, et qu'en cas de refus, la ruine est inévitable. Plus Bakouné résiste désespérément à l'opinion publique, plus elle sera heurtée à l'indignation plus grande et à la résistance pan-nationale.